nuit de France Culture. Une mémoire radiophonique. Après avoir enseigné à Madagascar et fondé la faculté des lettres de l'université de Tananarive, alors qu'il était recteur de l'Académie d'Amiens en 1968, Robert Mallet eut ces mots. La meilleure façon d'éviter une révolution, c'est de la faire. C'était juste avant, l'année suivante, après une révolution qui n'en fut pas une, de devenir recteur de l'Académie de Paris où les pavés avaient volé bas. Professeur, recteur, Robert Mallet, mais peut-être surtout poète, auteur dramatique, essayiste, romancier et conseiller littéraire aux éditions Gallimard. Homme de radio également, connu pour la qualité de ses entretiens, ceux en particulier qu'il avait menés avec Paul Léoto et Jean Paulhan. Mais en 1972, sur France Culture, c'était lui qui répondait aux questions, ou plutôt qui réagissait aux noms et aux mots que lui soumettait Pierre Lost. Les mots-clés avec Robert Mallet, une émission diffusée la première fois, le 1er mars 1972, sur France Culture. Robert Mallet, merci, puisque vous voulez bien participer à cette émission des mots-clés. Vous connaissez quelle est la règle du jeu des mots-clés, c'est-à-dire que je vais vous proposer un certain nombre de mots, un certain nombre de noms qui devraient déclencher immédiatement quelque chose en vous. Vous y répondez en une seconde, en trois minutes, vous prenez le temps que vous voulez. Êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. 7 ans. Votre question m'oblige à vous en poser une. Pierre Lost, 7 ans. 7 ans dirigé, 7 ans cette année-ci, 7 ans, 7 années d'une vie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Vos premiers 7 ans. Ce que ça évoque en moi, ça évoque un enfant qui était en dehors du monde, je crois. Je m'aperçois à cette question qu'il m'est très difficile de répondre parce que 7 ans ne correspond pas à quelque chose de très important dans ma vie. 7 ans, c'est un enfant qui est dans son monde mais qui n'a pas encore pris conscience du monde, qui est dans une sorte d'état d'ingénuité. 7 ans, ça correspond beaucoup plus à quelque chose pour moi quand je l'applique aux autres, mais pas quand je l'applique à moi. L'utile. Ah, l'utile. Alors là, l'utile évoque beaucoup de choses, bien sûr, parce que l'utile, pour moi, je l'oppose au futile. Mais sans savoir ce qui est utile et ce qui est futile. J'en ai même fait le titre d'un prochain recueil de réflexions, d'aphorismes. L'utile et le futile. Et j'ai mis en épigraphe, entre l'utile et le futile, pas même la différence d'une lettre, un souffle. Futile, utile. Le futile est-il utile? L'utile, futile, futile. Vous voyez, on joue avec les mots. En effet, il faut toujours se servir du jeu des mots pour... les déjouer. Il se joue tant de nous que nous avons bien le droit de leur rendre l'appareil. Alors, l'utile, revenant à votre question, pas par une pirouette, eh bien, l'utile, c'est un peu comme si vous me disiez qu'est-ce que c'est que la vérité. Parce que ce qui est utile pour l'un est inutile et même néfaste pour l'autre. Donc, l'utile est une notion tout à fait relative, comme la vérité, quoique la vérité soit absolue, mais enfin, il n'y a que de vérité relative. Alors, l'utile, eh bien, c'est la définition que nous donnons des choses qui nous sont utiles, que nous croyons utiles aux autres ou au monde. Mais c'est une notion relative, l'utile. La rose. Ah, la rose, pour moi, c'est capital. C'est la fleur capitale. Comme on dit, le pays capital, ou la peine capitale. C'est ce qui concerne vraiment l'essentiel. La rose, c'est la fleur qui est à la fois le figé de la vie mouvante et le plus émouvant de la vie fragile. Je pense que la rose est un mot en même temps qu'une chose pour moi. C'est un mot paradoxal parce que on dit la rose et précisément on dit la rose rouge. Et ça n'étonne plus personne parce que la rose c'est plus devenu une couleur, c'est devenu une chose, c'est devenu un objet. Enfin, ça devrait nous choquer de dire la rose jaune, la rose rouge. Vraiment, c'est une absurdité exemplaire. Alors la rose est donc devenue une forme avant de devenir une couleur. Et c'est la forme la plus émouvante et la plus mouvante, comme je disais tout à l'heure, et en même temps la plus figée de ce qu'est la sève en soi. Et la rose, c'est pour moi un remous figé qui, dans le vent, remue. J'en ai fait d'ailleurs encore un titre de recueil. Décidément, vous me posez des questions qui correspondent à mes préoccupations, à moins que vous n'ayez su ces préoccupations et que peut-être vous ayez orienté le choix de vos mots. En effet, la rose en ses remous est le titre d'un recueil de poèmes. C'est la rose dans ses remous qui risque, ses remous étant ceux du vent, de se blesser à elle-même, car j'ai trouvé un jour une rose piquée à une épine au plus haut de sa tige. C'était un très beau symbole de celui ou de celle qui souffre et qui se prend à sa douleur, et cette rose s'était en somme crucifiée à elle dans les remous du vent. Mais la rose qui se prend dans les remous du vent est aussi en soi un remous. Elle est une sorte de substance liquide qui s'est figée, parfois qui donne l'impression de s'être cristallisée. C'est très beau, la rose, c'est charnel et c'est cristal. Les nourritures terrestres. Non, les nourritures terrestres, d'abord, pour moi, c'est un titre de Gide, bien entendu, bien sûr. Mais alors, si je dépasse cette immédiate réponse, c'est la signification que Gide a voulu donner à ce mot nourriture terrestre. Bien, c'est la nourriture terrestre, j'aime bien parce que c'est finalement un pluriel qui est un singulier. La nourriture terrestre que Gide a voulu opposer à toutes les nourritures dogmatiques spirituelles. Et il a voulu montrer qu'à travers cette façon de se nourrir au plus charnel de l'homme, il y avait aussi une vérité qui pourrait rejoindre le spirituel. Donc pour moi, le mot nourriture terrestre est très important. Je pense qu'il n'y a pas de grande religion sans qu'elle nous propose des nourritures terrestres. Jésus est le côté terrestre de Dieu. L'avenir. Je vous dirais que l'avenir, pour moi, est une notion permanente. Je ne conçois l'avenir que comme le présent qui est en train de mourir. L'avenir est en ce moment dans mes propos. Le mot que je prononçais, c'est de l'avenir. Donc, je suis continuellement dans l'avenir et en train de le détruire. L'avenir, c'est l'essentiel, puisqu'on ne fait rien que par rapport à l'avenir. Dès que l'enfant est en germe dans la femme, il existe en fonction de ce qu'il sera dans 9 mois. Donc, nous n'existons que par rapport à l'avenir. Ce qui ne veut pas dire que je nie le passé, mais je ne crois pas au présent. Où il n'y a qu'un présent ou il n'y a pas de présent. Et c'est pourquoi je pense que si nous voulons réussir dans la vie, nous devons continuellement vivre dans l'avenir. Les animaux vivent dans l'immédiat. C'est une des, je crois, définitions de l'animal, un être qui vit dans l'immédiat, qui n'a pas la prescience. Et je pense qu'on pourrait définir l'homme comme l'animal prescient, c'est-à-dire l'homme qui vit dans l'avenir. La peur. L'animal qui vit dans l'avenir, excusez-moi. La peur. Oh, la peur, c'est une notion que je connais bien. La peur évoque pour moi l'idée d'une crainte qui est très différenciée. Il y a la crainte physique puis la crainte morale. Et quand je dis le mot peur, c'est d'abord une peur physique. Je ne sais pas pourquoi le mot peur évoque quelque chose de physique. Mais je m'aperçois, notamment dans les fonctions que j'ai eues, qui m'ont fait avoir beaucoup de rapports avec les hommes, que beaucoup d'hommes ont une peur mentale, une peur morale. Ils ont des peurs fonctionnelles. Et que la peur, c'est finalement très difficile à définir parce que on peut être courageux à ceci et peureux pour cela. La poltronnerie est aussi diverse que la malhonnêteté. Un homme qui risquerait de commettre des fautes d'ordre moral sur le plan financier n'en commettra aucune sur le plan sexuel et inversement. Alors je pense qu'on peut être très courageux pour ceci, très peureux pour cela. La peur pour moi c'est quelque chose de tout à fait divers et je crois que nous ne sommes à l'abri aucun d'entre nous de la peur car nous avons tous des certaines formes de peur et des certaines formes de courage et on ne peut pas être courageux non plus sur toute la ligne. Francis Jamm. Francis Jamm, pour moi, c'est le nom d'un poète que j'ai découvert quand j'étais tout jeune. Et d'un poète qui m'a tellement frappé par la véracité de son langage, je ne dis pas la vérité, la véracité, la façon de faire croire aux choses à travers ce qu'il disait, que bien longtemps après, comme une dette de reconnaissance, je lui ai consacré une thèse de doctorat ès lettres, mais dans des conditions peut-être un peu particulières, car finalement, il était tout de même lié à un autre sujet de thèse que précédemment j'avais décidé de traité, l'art des jardins lié à l'art de l'écriture, car l'art des jardins est très dépendant à toute époque des mouvements de pensée. Le jardin médiéval exprime cette pensée cloîtrée, cette pensée resserrée, au moment où la nature était à tous, on n'a pas besoin de jardin, comme l'atrium des Romains, n'est-ce pas, leur servait de petits jardins, ils n'en avaient pas besoin. Puis à partir du moment où on en a eu besoin, il y a eu le jardin à la française, c'est-à-dire une nature qu'on a domptée, dominée, ordonnée. Puis il y a le jardin à l'anglaise quand on en a eu assez. Tout ça est en rapport avec le style, la poésie, vous remarquerez. Et puis le jardin de l'époque 1925 était un jardin cubique, un jardin assez volontaire aussi. Tout ça correspond à une forme de pensée. Alors j'avais décidé de faire une thèse sur ce sujet. Et puis j'ai été assez grièvement blessé en septembre 39 et j'ai craint de perdre la vue. J'ai eu la vue brouillée pendant plusieurs jours et j'ai vraiment craint de perdre le regard. Et alors j'ai demandé qu'on me lise des poètes. Et les poètes qu'on m'a lus, ceux que j'aimais, ceux de ma prédilection à l'époque, c'était plutôt Valéry, Mallarmé. Et j'ai demandé qu'on me lise aussi du Francis Jammes. Et moi qui craignais de tout perdre, de ce que je pouvais vraiment capter par mon regard, à travers le sien, j'ai tout revu. Et il m'a fait revoir et sentir les choses. J'ai senti l'odeur de la terre mouillée, l'odeur du poil du lièvre mort, l'odeur du lilas dans le vent du printemps, la senteur de la peau des jeunes filles au soleil, la douceur de l'abricot. Tout ça, il me l'a apporté dans mon lit d'hôpital avec des carillons et enveloppé dans un énorme panorama qui m'était sensible, où tout cela défilait. Et je revoyais grâce à lui. Alors ce jour-là, quand j'ai senti vraiment ce qu'il avait fait en moi, j'ai décidé de lui consacrer une thèse et d'abandonner l'art des jardins. Mais je le retrouvais car c'était un jardinier. Le visage, bien pour moi, c'est l'homme. Je dirais le visage, c'est l'homme. Et c'est très curieux d'ailleurs, que le visage, en effet, pour moi, ça ne peut pas être le visage d'un animal. Je ne sais pas pourquoi, l'idée de visage, pour moi, c'est essentiellement un visage humain. Et quand on dit le visage de Dieu, pour moi, c'est absurde parce que je ne peux pas concevoir Dieu. Ou alors je lui donne une apparence anthropomorphique et ça devient pour moi une imagerie d'épinal que je n'approuve pas. Donc pour moi, visage, c'est homme. 18 ans. Alors là, je ne ferai pas la réponse pour les 7 ans. 18 ans, c'est parfaitement les miens que j'évoque. Alors là, je les vois pleinement. Mais 18 ans, c'est le bel âge, l'âge des illusions, l'âge des ennuis majeurs aussi, celui de la préparation aux examens, aux concours, l'âge où l'on croit qu'on pourra tantôt posséder le monde ou qu'au contraire, jamais on n'arrivera à rien. Enfin, c'est l'âge des grandes espérances et des grands désespoirs. C'est l'âge où j'ai cru que je pourrais avoir une belle situation et où j'ai cru que je pourrais aimer facilement. Je me suis aperçu qu'il n'y a pas de belle situation. Il y a des situations à des niveaux plus ou moins élevés et difficiles. Il n'y a pas de belle situation en soi. Et puis qu'il y a toujours des abords difficiles. Alors, 18 ans, c'est l'âge où j'ai cru à tout ce que je n'ai peut-être pas réalisé. Mais je vous dirais que 18 ans, c'est encore l'âge que je crois que j'ai. La nuit, d'abord, c'est pour moi l'absence de jour. La nuit, c'est quelque chose qui correspond aussi à la mort. Ce n'est pas quelque chose de rassurant. Je n'aime pas beaucoup la nuit. Je pourrais dire même que j'en ai une sorte d'appréhension, mais je dirais que j'en éprouve aussi la douceur, parce que la nuit, c'est aussi la possibilité d'oublier ce que le jour vous a donné de plus perfide. Mais que la nuit où l'on ne dort pas est peut-être le supplice de l'homme. La nuit où l'on ne dort pas. La nuit où l'on dort, c'est peut-être le plus beau de l'homme aussi. Et puis la nuit est ce qui permet de se réveiller. Donc j'aime la nuit pour en sortir. Miro. Ah, Miro. Miro, pour moi, c'est mirobolant. Ah oui, c'est comme ça. Miro, c'est quelque chose d'étonnant. C'est une espèce de joie de vivre à travers une primitivité du regard très savant. Et il correspond tout à fait à la définition que Francis Jammes donnait du primitif. Le primitif est un savant qui s'ignore. Mais Miro ne s'ignore pas tellement, mais il nous donne l'impression d'ignorer qu'il est savant. Mais il a une saveur à travers cette science. Cette science et ce retour à la primitivité de l'enfant. Je dirais que Miro, précisément, représente pour moi le peintre qui est revenu, non pas à ses 7 ans, mais enfin à son enfance. Quand l'enfance sait ne pas être académique, il a retrouvé le non-académisme de l'enfant avec toutes les vertus de son expérience. L'amour. Ce mot est tellement énorme qu'on l'a employé pour définir l'amour de Dieu, l'amour de la femme ou de l'homme pour la femme, l'amour de son prochain, l'amour de l'animal, l'amour de la nature, l'amour des plaisirs. Enfin, on a tout désigné par ce mot amour, même l'amour de la drogue. Enfin, c'est un mot qu'on peut employer dans toutes les acceptions, c'est-à-dire qu'il peut nous mener au pire aussi, parce que l'amour des mauvaises choses est la pire des dégradations parfois. Alors ce mot amour, il faut l'employer à bon escient, c'est-à-dire dans le bon sens. Et si on l'emploie dans le bon sens, l'amour c'est ce qui conditionne le monde. Enfin, c'est tellement banal ce que je dis là, mais c'est un mot que j'utilise rarement parce que c'est un mot trop important. Enfin, c'est un mot qui il est à la fois trop important et trop banal. Et il est plus facile de dire j'aime, mais comme on dit j'aime la salade et j'aime Dieu, c'est très difficile d'employer ces mots-là. Je pense que ce sont non pas des mots pièges, ce sont des mots essentiels, mais il arrive que l'essence soit précisément ce que nous supportons le plus mal lorsque nous essayons de la définir, et c'est pourquoi le mot amour est pour moi le mot à la fois essentiel et existentiel, le mot clé, enfin le mot clé. Il y a tout dans amour, n'est-ce pas ? Il y a aimer et être aimé, bien sûr, c'est donc le don et ce qu'on reçoit. Il y a donc la fraternité, il y a donc ce qui permet de vivre. Le style 1900. Oh, le style 1900 est un style que j'ai toujours aimé par instinct. J'aime beaucoup les styles, tous les styles. J'ai l'air de me contredire. Je vais m'expliquer. Chaque style a ses vertus. Mais le seul style qui ait osé sortir du cheminement traditionnel, en somme, du petit monument réduit, car un beau meuble, à l'époque, en Louis XIII et même Louis XIV, c'est une sorte de bâtiment avec de frontons, souvent, avec des pilastres, des colonnes. Peu à peu, le meuble est devenu plus meuble, c'est-à-dire plus déplaçable. Et alors, il est devenu davantage un objet. Mais il ne s'est pas évadé des colonnes, des pieds griffus, des têtes de griffons. Et avec le style Empire, il a atteint ce qui, pour moi, est la culminance de la rectitude, souvent très peu poétique. Alors, le style 1900 est l'effort de l'homme pour sortir de ses frontons et de tout ce classicisme, de cette géométrie. Le style 1900 est l'effort pour aller vers un style végétal qui est le style naturel, ce qu'on appelle le style nouille, ce qui est idiot, parce que les nouilles, avant qu'elles ne soient cuites, elles sont raides. Il faudrait ajouter le style nouille cuite. C'est un style floral, c'est cela, ce qu'on a dit, le modern style. Il n'était pas né en Angleterre, d'ailleurs, c'est les Anglais qui nous l'ont repris. Comme le mot flirt, après ils ont dit fleureté, on a dit moderne style, parce que les meubles sont revenus là, puis comme les Français sont assez snobs, une fois que les meubles d'un certain style sont revenus d'Angleterre, ils sont plus beaux que ceux qui ont été fabriqués en France. Mais le style 1900, c'est vraiment, aussi bien dans l'objet que dans le meuble et que dans l'art de l'habitation, de l'architecture, c'est une sorte de tentative d'évasion de l'homme pour fuir une sorte de platitude traditionnelle, et c'est un effort d'ailleurs qui n'a pas duré très longtemps. Très vite, l'homme est revenu à des règles beaucoup plus strictes, et si j'aime beaucoup l'art moderne, c'est qu'il a retrouvé ses formes, ses courbes, l'alliance de la courbe et de la droite, cette alliance sans laquelle il n'y a pas de bonne architecture, sans laquelle même il n'y a pas de bonne littérature, car vous savez, c'est toujours la partie féminine, la partie masculine, l'érection et la courbe, n'est-ce pas, la courbe vaginale et l'érection virile, que se trouve la solution à toute tentative de l'homme pour sortir de sa condition journalière et pour accéder à l'art. Je crois qu'il n'y a pas un grand art sans un accouplement, et je vous dirais, là je quitte un peu le modern style, mais je crois qu'il faut aller justement à partir d'un art, on va vers d'autres, et puis l'intérêt c'est que justement les choses nous donnent à rêver et à penser. Vous voyez Shakespeare, il est femelle, mais il est mâle. Vous voyez Claudel, comme il dit, un peu putain sur les bords, et en même temps séraphique. Vous voyez Victor Hugo, il n'est que masculin, il n'est que mâle, Victor Hugo. C'est ce qui fait que le génie de Victor Hugo a quelque chose finalement d'assez peu attachant. Il n'est qu'un mâle. Alors, il y aurait beaucoup à dire. Moi, j'ai beaucoup aimé le style 1900 parce qu'il est féminin. Il est floral, il est floral. Le mot fleur, d'ailleurs, on ne m'a pas posé la question, mais le mot fleur, pour moi, ça, c'est quelque chose. On m'a posé le mot rose, mais ce n'est pas exactement pareil. Mais il va venir tout à l'heure. Mais tout de suite, Marie-Laurence. Marie Laurencin, c'est le nom d'une amie. J'ai connu pendant de longues années Marie Laurencin, et Marie Laurencin, pour moi, était celle qui avait aimé Apollinaire. C'était sa première qualité. Et puis après, elle est devenue mon amie. Et elle m'a procuré une des plus grandes joies, peut-être, en me proposant de faire mon portrait, de me le donner, de mes plus grands chagrins, précisément à cause de ce portrait, puisque c'est pendant les séances de pose de ce portrait, entre deux séances de pose, qu'elle est morte presque subitement. Et un jour où j'allais continuer la pose, je suis arrivé, elle était tendue sur son lit, elle venait de mourir, et sa servante a eu ce mot, sa servante, sa fille adoptive, je devrais dire, son amie. Quand j'emploie le mot servante, d'ailleurs j'emploie au sens le plus noble, m'a dit en sanglotant, aujourd'hui c'est madame qui prend la pose pour toujours devant vous. En effet, mon portrait était juste devant le lit, j'avais l'air de la veiller. J'ai ce portrait chez moi, et l'interruption de mon visage par la mort a laissé à mon visage une éternelle jeunesse. C'est un paradoxe. Je ne passe jamais une fois devant sans remercier Marie Laurencin de m'avoir donné un visage assez indéfini pour croire que je n'ai pas vieilli. Tananarive. Tananarive correspond pour moi à l'idée de 5 années de bonheur dans l'action et dans la fraternité. Je pourrais tellement parler de Madagascar à travers Tananarive. Je pourrais, là vraiment avec vous, Pierre Lost, faire des émissions sur Tananarive. Je dirais simplement que pour moi, c'est un visage, Tananarive. C'est un visage d'être aimé. J'aime 2 pays. Celui où je suis né, et j'ai appris à l'aimer, parce qu'on peut un jour se détacher de son pays en préférant un autre. Non, je me suis senti devenir français, en même temps que très universaliste d'ailleurs, et précisément j'ai aimé mon pays parce qu'il représente pour moi quelque chose d'universel, c'est ce qui lui donne son prix. Je crois que la France est un des rares pays qui puisse faire coïncider une idée de patrie avec une idée de patrie humaine. Et puis Tananarive. Alors ça a été le coup de foudre. Je suis arrivé un certain jour en avion de France. Je n'étais jamais allé dans l'océan Indien, jamais encore dans un pays tropical. L'avion a atterri sur le terrain d'Arivonimam. À cette époque-là, c'est un pays montagneux, il n'y avait pas encore de terrain d'atterrissage près de Tananarive, il fallait faire près de 50 km pour aller à la capitale. Et j'ai su, en traversant ces 50 km parmi les paysages de montagnes rouges, de maisons roses, de toits de chaume, d'êtres sensibles et hiératiques, distingués, j'ai su que j'aimais ce pays. Ça a été le coup de foudre. Et j'ai d'ailleurs, à Madagascar, pas à Tananarive, j'ai une propriété où je compte passer une partie de la fin de ma vie en alternance avec la France. Tananarive, c'est pour moi un visage de l'amour. Paul Valéry. Paul Valéry, c'est un souvenir d'enfance. Je l'ai connu quand j'allais au collège avec son fils François. Et Paul Valéry, pour moi, c'est d'abord le visage aussi, car il avait un très beau visage, Paul Valéry. Un visage très racé, un visage qui était l'intelligence faite homme. Rare impression. Claudel ne m'a pas donné cette impression. Mais Gide non plus. Car il y avait dans l'intelligence de Gide quelque chose d'un peu, je dirais méphistophélique, je ne dramatise pas du tout, mais je veux dire quelque chose qui n'était pas que l'intelligence à l'état pur. Il y avait une sorte d'intelligence continuellement aux aguets, un peu inquiétante, voilà, je crois que c'est le mot, inquiétante. Valéry avait le regard de l'intelligence rassurante. Et il avait le visage d'un papa de camarade, très gentil. Et j'ai eu la chance, l'honneur, je dirais maintenant, à cette époque-là, pour moi, ce n'était ni une chance ni un honneur, c'était un fait, d'aller visiter notamment le Muséum d'Histoire Naturelle avec Paul Valéry, qui me tenait d'une main son fils de l'autre, et Paul Valéry m'expliquant certains phénomènes, me donnant la clé de certains objets dont je ne discernais pas la signification. Ça reste parmi mes grands souvenirs d'enfance, cet homme si intelligent, qui voulait bien se pencher sur moi. Et puis je vous dirais qu'il m'a donné après coup, une des plus grandes satisfactions de l'intellectuel, mais après coup. Car je collectionnais les livres à cette époque, depuis j'ai cessé de les collectionner, j'ai trop vécu dans les milieux des livres, et je n'en ai pas été dégoûté, mais je n'en ai pas attaché de prix. D'ailleurs, c'est généralement comme cela, quand on vit dans les milieux des éditions, qu'on écrit beaucoup, on ne fait plus du livre un objet d'art, c'est la pensée qui prime. Bon. À cette époque-là, je collectionnais les livres en faisant des objets, et j'essayais de lier l'écriture de l'auteur avec ce livre. Je crois que ça, c'est une très belle collection. Et un jour, j'ai apporté un livre sur un grand papier que j'avais acheté avec mes économies à Paul Valéry en lui demandant de mettre une dédicace. Et il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Alors à cette époque-là, je vais avoir une douzaine d'années, je lui ai répondu de façon stupide, mais enfin j'ai répondu ça, il faut le dire. « Je voudrais faire de la politique. » Alors il me dit « Ah, et pourquoi ?» Et je lui réponds « Pour commander aux hommes. » C'est un truc curieux. Moi, je suis recteur maintenant, on va dire « Voilà, il avait le goût du commandement celui-là. » Mais je dois dire, alors là, non pas pour me disculper, mais pour m'expliquer que ce désir de commander, de faire de la politique, était en moi lié profondément à des intentions morales, de rendre le monde bon à travers des règles. J'étais très moraliste, moralisateur, moralisant, et je voulais réformer un peu la face du monde. C'est vraiment prétentieux, mais enfin, il vaut mieux à 12 ans avoir cette pensée-là que ne pas l'avoir du tout. Alors Paul Valéry m'a dit, bon, mais très bien, je ferai une dédicace en rapport avec tes vues. Et 8 jours après, il me rend le livre où il y avait, je cite de mémoire, je n'ai pas le livre là, il est à la campagne, et il y avait « Toute politique implique une certaine idée de l'homme, une métaphysique qui met en cause le destin de l'espèce et va du sensualisme le plus brut jusqu'à la mystique la plus osée. » Alors, je signais Paul Valéry à Robert Mallet. Il me dit « Tu comprends ?» Oui, j'ai dit, ça veut dire pas très bien. Alors, il m'a donné une petite tape sur le dos, il m'a dit, tu comprendras mieux plus tard. Et en effet, j'ai bien compris plus tard que la politique, il y a de la sensualité, il y a de la mystique, ça met en cause le destin de l'espèce, que c'est ça la politique, c'est pas. Et j'ai toujours conservé cet exemplaire, je l'ai, ça a été peut-être une des plus grandes leçons de lucidité que m'a donné Paul Valéry. Donc Paul Valéry, pour moi, c'est naturellement un des plus grands esprits français. Un des plus grands, je ne dis peut-être pas un des plus grands écrivains, c'est autre chose, mais c'est peut-être encore plus beau, il est un grand esprit qu'on arrive à extraire de l'écriture, car ce qui reste de lui, c'est une pensée, c'est la pensée, Paul Valéry, pour moi. Les joies de la vie. Les joies de la vie, instinctivement, je crois que c'est ce que je voudrais donner aux autres. C'est ce que je voudrais recevoir d'eux aussi, mais d'abord, c'est ce que je voudrais donner. Mais c'est très égoïste, parce que la joie qu'on donne, vous en donne. Alors, je crois que c'est les bonnes sociétés, ça. Les sociétés où on pense à donner de la joie aux autres, si tout le monde pense comme ça, ben, tout le monde est joyeux. C'est pour ça que pour moi, la joie de vivre, ben, c'est comme l'amour. C'est la même chose, d'ailleurs. L'arbre. Oh, l'arbre, c'est un des plus beaux symboles qui soit. C'est celui que tous les grands esprits ont essayé de faire leur. Je pense à Paul Valéry, naturellement, dont on parlait. Je pense à Nietzsche, qui a tellement bien exprimé ce double effort de l'arbre, cet effort d'enracinement dans le sol, dans les humus, dans les ténèbres, pas pour aller vers les ténèbres, mais pour donner plus de force à sa végétation dressée dans l'espace, car l'arbre est un état d'équilibre entre le visible et l'invisible. L'arbre, c'est l'équilibre entre un enracinement dans le sol et un enracinement dans le ciel. Et Nietzsche a très bien exprimé cet double effort de l'homme, plus il s'élève, plus il descend. Plus nous cherchons à aller vers Dieu, plus nous allons vers les mystères. Et alors, l'arbre, eh bien, c'est ça pour moi. C'est l'arbre aussi de Claudel. C'est l'arbre, alors beaucoup plus charnel. C'est la sève. C'est ce qui sort de la terre pour aller vers ce que nous ne savons pas nommer, vers l'espace infini. Et puis l'arbre, c'est tout de même ce que j'aime. L'arbre, c'est presque l'anecdote de l'arbre. C'est l'arbre en fleurs, c'est l'arbre en fruits. C'est l'arbre en ombre. C'est l'arbre chaleureux, c'est l'arbre cristallin de l'hiver. L'arbre, c'est l'art. Je ne joue pas sur les mots, là. L'arbre est un des plus beaux objets qui soit. L'arbre dépouillé de ses feuilles, c'est pour moi la vérité d'un squelette qui n'a pas perdu le sang. La fatalité. La fatalité, c'est ce que je veux éviter. J'emploie souvent une formule à mon propre usage et à l'usage des jeunes, il faut toujours faire de nos fatalités des destins. La fatalité, je l'ai subie en naissant ici, et de tel père et de telle mère. Et depuis, je me suis efforcé, à partir du milieu où je suis né, de tout ce que j'ai subi, de me subir à ma façon. C'est-à-dire de ne pas subir la fatalité. Et peut-être ai-je le plus profondément ressenti ce qu'est la fatalité lorsqu'en juin 40, j'ai accepté... Enfin, je vous dis cela, mais c'est gênant de dire ces choses. Mais enfin, j'ai accepté une mission assez dangereuse, de sacrifice, on peut le dire, sur un des ponts de la Loire. Je l'ai choisi. Je suis sorti de la fatalité, car à ce moment-là, je pouvais opérer avec tous mes camarades le mouvement vers le sud. J'ai refusé. Et puis, j'ai été pris dans la fatalité que je venais de déclencher en moi. Parce que je ne crois pas qu'il était fatal que je me propose pour cette mission. Et puis, une fois que j'étais dans cette mission, j'ai ressenti la fatalité dans laquelle je m'étais mis. Et j'ai essayé de réagir. Et j'ai regretté ce geste de volontaire que j'avais eu, ce qui est le plus terrible. Mais j'étais pris dans la fatalité et j'ai essayé de m'en sortir, car la fatalité a voulu que le combat eût lieu, que je suis blessé, etc., prisonnier. Et là, j'ai dit, cette fatalité, j'en ferai de nouveau un destin, je me suis évadé. J'ai tenté plusieurs évasions, j'en ai réussi une. Je suis revenu et là aussi, j'ai encore essayé de m'évader de la condition d'occupé, au moment où les Allemands avaient envahi. Et j'ai encore une fois essayé de sortir de la fatalité pour en faire un destin. Alors, ça a l'air bien prétentieux, mais où j'ai éprouvé le plus ce sentiment de la possibilité de la métamorphose de fatalité en destin, c'est quand je me suis évadé et que j'ai réussi. Là, toutes les années que j'ai passées en France, c'était des années que je m'étais données. Car si je n'avais pas fait ce geste de l'évasion pendant tous les risques, je serais resté dans un camp, d'ailleurs, barbelé. Je ne sais pas si j'en serais revenu. Alors ça, c'est quelque chose de peut-être d'exultant et d'exaltant. Enfin, il y a une exultation à réussir une évasion, à se dire qu'on est sorti de sa fatalité. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors la fatalité, j'y crois profondément parce qu'elle nous est donnée, et je la nie profondément parce que je veux en sortir. Le rectorat. Ah, c'est la fatalité, ça. C'est la fatalité. Vous allez me dire, vous n'en êtes pas sorti. Ah, mais c'est la fatalité que j'ai faite mienne. Alors à ce moment-là, c'est devenu un destin. Je n'ai jamais voulu être recteur, certes. Jamais je n'aurais pensé à l'être. Jamais je ne pensais qu'on penserait à moi pour être recteur. Et puis, à partir d'une carrière universitaire, où je suis doyen, puis recteur d'une université qui se crée en France, je suis arrivé à celle de Paris. Et ma foi, je ne me sens pas trop mal à l'aise dans ces fonctions, car j'estime qu'elles comportent une part de responsabilité. J'aime beaucoup ce mot responsabilité, ce n'est pas un mot qui m'effraie du tout. Il y a le mot réponse dans responsabilité. Il faut continuellement donner des réponses aux questions qui se posent, et les questions qui se posent, c'est les questions du monde en marche. Et je crois que le recteur de Paris a un rôle à jouer dans ses réponses à ces questions, en essayant de peser, de sous-peser continuellement les pressions d'un passéisme existant et existentiel. Et les appels, les aspirations d'un futur dont il faut se sentir déjà l'esclave pour précisément le dominer. La mode. Ah, la mode, la mode, c'est ce que nous suivons tous, même sans le savoir. Je crois que c'est ça, la mode, c'est une espèce de pouvoir fatal que nous subissons, qui est né d'une invention de l'un et que les autres ont reçu. C'est comme les mots qui font fortune, on ne sait pas, il y en a un qui l'a prononcé la première fois et les autres les subissent. La mode, c'est quelque chose de très, sociologiquement, de très inquiétant, parce que c'est une façon de se soumettre à son époque, et je conçois parfaitement que des gens refusent de s'habiller comme les autres, mais finalement, en se refusant à s'habiller comme les autres, ils réagissent contre la mode, ils la subissent. L'argent. L'argent, pour moi, n'existe que comme un moyen de posséder autre chose que lui. C'est tout ce que j'en dirais. La critique. La critique est un mot très important et c'est un mot que je n'aime pas. On dit l'esprit critique. Et l'esprit critique, péjorativement, est ce qui empêche le monde d'avancer. L'esprit de critique est ce qui fait avancer le monde. Alors, je suis favorable à la critique... au sens de l'autocritique d'abord. L'autocritique de certains partis politiques, c'est une forme de conscience collective appliquée à chaque individu. On retrouve ça dans les monastères. C'est très noble, d'ailleurs, aussi bien dans les monastères que dans les partis. C'est toujours dans le dessein d'améliorer la condition de l'homme. La critique, on ne saurait s'en passer sur le plan constructif et on ne peut pas s'en dépêtrer sur le plan des adversités. La révolution. La révolution est un mot qui ne me fait pas peur. C'est un mot essentiel. Le monde est en perpétuel état de révolution et c'est peut-être parce que on ne veut pas l'admettre qu'on provoque les révolutions. La nature et la vie sont révolutionnaires. Je voudrais m'expliquer. Parce qu'en effet, il semblerait que la nature soit le contraire de la révolution, que ce soit simplement une évolution. Mais la nature est continuellement révolutionnaire puisqu'elle impose aux individus les moins forts les règles de la puissance. Et c'est une espèce de révolte continuelle de ceux qui veulent survivre pour s'insurger contre les puissants, aussi bien dans le règne animal que dans le règne végétal. La nature est donc ce qui se soumet et ce qui n'est jamais soumis. Et il est évident qu'il y a une évolution biologique normale qui est le contraire de la révolution, l'évolution biologique. Mais si l'on va au fond de la biologie, on s'aperçoit que la biologie est continuellement faite de combats et que c'est toujours une espèce qui triomphe, qui l'emporte, que ce soit le microbe ou que ce soit le macrobe, que ce soit le microcosme ou que ce soit l'univers. Il y a toujours une lutte, donc il y a une révolution, parce qu'il ne peut pas y avoir de lutte sans que l'un des deux l'emporte sur l'autre, parce qu'il y a un état d'insurrection. La révolution, c'est un état d'insurrection. Et alors, l'homme que je suis, qui réprouve tout ce qui est fratricide, tout ce qui est sanglant, pense qu'on peut parfaitement faire vivre le mot de révolution avec le mot fraternel. Vous me direz, révolution fraternelle, c'est bien difficile, c'est ce que nous devons essayer de faire. Alors d'autres diront, c'est une évolution rapide, cette révolution. Une révolution sans en avoir l'air, comme disent les chansonniers. Mais il est un fait que le mot révolution est un des mots que les hommes devraient avoir sans cesse présent pour essayer de la faire le mieux possible. Un jour, j'ai dit dans un discours officiel, j'étais déjà recteur pourtant, ou parce que j'étais déjà recteur, vous voyez, l'aggravation. La meilleure façon d'éviter les révolutions, c'est de les faire. Le cardinal de Richelieu. Le cardinal de Richelieu, ben voilà un homme qui, d'une certaine façon, était un révolutionnaire. D'une certaine façon. Tous les hommes qui réalisent quelque chose d'important et qui bousculent leur époque par leur autorité sont des révolutionnaires. Et ils sont révolutionnaires d'eux-mêmes, de leur révolution. Les autres font des révolutions pour les autres. Lénine a fait une révolution qui était la révolution d'une masse. Et ça, je crois que c'est plutôt la signification des révolutions actuelles. Mais autrefois, les révolutionnaires l'étaient pour eux. Et Richelieu, pour moi, c'est l'homme d'État, essentiellement l'homme d'État, avec tout ce que ça peut comporter d'horrible. Et le prestigieux. Les mathématiques. Les mathématiques. Alors j'en parlerai comme un homme qui respecte ce qu'il ne comprend pas très bien. J'ai toujours éprouvé une profonde nostalgie, même plus qu'une nostalgie, un profond chagrin, une amertume, ce qui est moins bien, d'avoir eu relativement des dons littéraires et d'avoir été absolument peu doué pour les mathématiques. Je pense que c'est un des langages essentiels, qu'il n'y a plus de compréhension de l'évolution du monde sans la science mathématique, que la biologie ne peut pas être liée à la mathématique. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les mathématiciens. Mais ce qui me surprend, c'est de voir que des esprits si bien prémunis contre toutes les impossibilités dont je suis moi-même la victime, que ces esprits éminents comme mathématiciens peuvent manquer à ce point parfois de psychologie. Je suis très frappé de cela, de voir comme les intelligences sont compartimentées. Mais je pense qu'un homme comme Valéry, qui avait la compréhension des mathématiques, je ne pense pas que c'était un grand mathématicien, mais il en avait la compréhension, un homme qui pouvait comprendre et expliquer les lois de l'espace, la courbure de l'espace, les théories einsteiniennes, je pense qu'un esprit comme Valéry, qui comprenait les mathématiques, était très supérieur à un esprit comme Stendhal ou comme Flaubert, enfin. Et je prends deux écrivains d'ailleurs qui n'ont pas le même registre que Valéry, mais pensons à d'autres écrivains plus proches de Valéry, je pense à Gide. Eh bien, Gide n'a jamais atteint la grandeur d'un Valéry parce qu'il n'avait pas cette connaissance de la mathématique, qui est un des langages de l'homme. Je crois profondément que l'homme a trois langages. Il a sa langue maternelle, il a la langue de l'autre, et puis le langage mathématique appartient à tous. L'érotisme. L'érotisme est un mot que, généralement, on définit mal. L'érotisme, pour moi, c'est pas du tout la sexualité. C'est une façon d'aimer sensuellement, charnellement, de savoir pratiquer l'amour physique. L'érotisme, c'est une pratique normale de l'amour. Je n'y mets aucune idée perverse. D'ailleurs, je ne mets pas de perversité dans ces choses. Je suis assez dégagé là, de tout complexe. Je crois qu'on a eu beaucoup trop de tabous sur le plan physique. Mais je pense que ces tabous, on les explique parfaitement. Ils sont liés à tellement de considérations sociologiques. Il est un fait que la liberté sexuelle aboutit parfois à des drames qui conditionnent la vie d'un enfant né dans des conditions qui n'auraient pas dû être les leurs. Enfin, que cet acte si normal, si naturel, a des répercussions quasi démoniaques. Parce que c'est vraiment le démon, Daimon, la force que nous créons à travers un petit plaisir d'un instant. Et je crois que c'est ça, la grande duperie de la protection de l'espèce. Pour que l'espèce se protège et se préserve, il faut qu'elle ait donné ce petit plaisir à l'homme et que l'homme, dans son plaisir, oublie les conséquences de ce plaisir. Et alors l'érotisme a subi les conséquences de cette intrication, en somme, d'une sorte d'esthétisme charnel partagé avec les destins de l'espèce, comme disait Valérie, qui sont impliqués par ce plaisir fugitif, qu'on peut d'ailleurs rendre plus lent. L'érotisme, pour moi, est un mot très très beau. Je ne citerai pas ici le nom de la personne, mais un homme que j'ai beaucoup aimé, qui fut mon aîné en littérature, me disait un jour, il ne faut pas aimer simplement de l'érotisme, c'est simplement de l'érotisme. Et puis il ajoutait après, je suis amoureux. Et je lui ai répondu, eh bien vous faites les deux. Je crois que les deux vont très bien ensemble. L'érotisme est un très beau mot. Le sport. Le sport, pour moi, est lié à la notion d'une réglementation d'une activité physique, soit dans le cadre de sa vie personnelle, soit dans le cadre d'une vie collective. Bon. C'est donc la réglementation d'un effort physique. D'un effort physique apparemment gratuit, qui ne débouche pas sur une utilité. Alors, comme je suis un homme qui ne peut rien faire sans qu'il y ait au bout quelque chose de rentable. Mais quand je dis rentable, c'est en dehors de l'argent, n'est-ce pas? Rentable sur un plan moral. Pour moi, le sport, c'est faire le jardinage, c'est faire quelque chose physiquement qui m'améliore le corps ou qui l'empêche de se dégrader, mais qui n'a pas une gratuité. Pour moi, le sport compétition, bon, il m'intéresse parce que naturellement, j'aime bien voir des beaux matchs parce que c'est très beau, ça devient un spectacle, n'est-ce pas? Mais c'est plutôt le spectacle qui me plaît que de savoir quel côté. Je suis absolument pas chauvin, mais le sportif pour moi, ça n'est pas non plus que celui qui va jouer au tennis à telle heure, telle soirée. Le sportif, c'est aussi celui qui aime marcher pour acquérir une certaine vertu dans la marche. Il va vers quelque chose. Je n'aime pas la marche gratuite. Alors le sport en soi, je le comprends, je comprends tout. Mais je ne pourrais pas le pratiquer. Mais je pratique du sport. Je suis un jardinier. Je manie la brouette, la pelle, la pioche, les cisailles. J'aime ça. Mais je fais quelque chose. Mais je comprends très bien que les autres n'aient pas envie de faire autre chose que du sport, sans autre idée que de gagner. Et encore, vous savez que Coubertin disait, l'essentiel n'est pas de gagner, c'est de bien jouer. Je le disais autrement. Mais enfin, c'est cela. Le théâtre. Oh, le théâtre, c'est la vie. Alors, la vie essaie de se porter sur le théâtre. Maintenant, si nous voyons le théâtre au sens traditionnel du mot, je pense que le théâtre, en ce moment, subit une grave crise, parce que le théâtre a tenu lieu de télévision, de radio, de tout, quand il n'y avait que le roman et le théâtre, qui étaient les deux formes d'expression de la vie. Le cinéma a remplacé en partie le théâtre. Et finalement, il faut que le théâtre retrouve aujourd'hui une autre dimension, soit qu'il aille vers le théâtre d'essai, un théâtre d'élaboration, qui le rend d'ailleurs très peu accessible au grand public, soit qu'il aille vers un théâtre de masse, ce qui lui fait perdre le contact avec ce qu'on appelle, à tort d'ailleurs, l'intelligentsia. L'essentiel. L'essentiel, c'est de vivre bien. Je dis bien, ce n'est pas de bien vivre, c'est de vivre bien. Et vivre bien, c'est aimer. Et ici, je vous dirais ce mot de Camus que je trouve très beau, qu'il a dit un jour dans mon bureau, aux éditions Gallimard, je travaillais près de lui. C'est une malchance de ne pas être aimé. Et c'est un malheur de ne pas aimer. L'essentiel, c'est d'aimer. C'était Robert Mallet, au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois, le 1er mars 1972, sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.